Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le mardi 15 février 2022. C'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Vous êtes bien sûr en direct, il est un peu plus de 14h. Il est 14h01 même. Et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Luc de chez Paulette à Panier derrière Barine en Meurthe-et-Moselle, qui est là pour nous parler de chez Paulette, de la réouverture de chez Paulette qui aura lieu très très prochainement et de tout ce qui entoure chez Paulette. Donc bonjour Luc. Bonjour les auditeurs et bonjour Chris. Comment ça va? Les auditrices, bien sûr, c'est vrai. Et oui, comment ça va? Eh bien, écoute, je dirais qu'on est dans une bonne énergie, on va dire. On se prépare là, on a beaucoup de boulot à régler encore un petit peu. On attend, entre autres, le protocole d'accueil. On est un peu sur la brèche, mais voilà, il y a une belle inertie, on se prépare à réouvrir, quoi, voilà. D'accord. Et donc, de toute façon, nous allons parler de tout ça pendant toute cette heure d'émission. Mais avant toute chose, nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, moi je suis le fils de Paulette. On est une fratrie de 4 enfants. Moi je suis le dernier, Luc. Et voilà, j'ai repris la gérance de l'entreprise familiale il y a maintenant 5 ans. Mais en fait, j'ai toujours été en périphérie de chez Paulette, soit dans les assos qui bossaient avec, soit en tant que bénévole à une période, enfin. Mais j'ai toujours été je dirais, le personnage un petit peu incontournable, genre cheville ouvrière, tu vois. D'accord. Et du coup, bien que nous allons développer le sujet durant toute cette heure d'émission, est-ce que tu peux présenter en quelques mots toujours ce qu'est chez Paulette? Alors, chez Paulette, c'est un peu compliqué parce que en parler, moi, c'est-à-dire, bon, voilà, il y a un esprit de famille, tout d'abord. C'est une petite entreprise familiale. On a la chance de l'avoir préservée. Une entreprise indépendante, une entreprise dans le sens lié au phénomène actuel de la pandémie qui a eu beaucoup de mal pendant ces presque 2 ans d'interruption de travailler, quoi. Bien sûr, les aides ont été à la clé, mais tout d'abord, c'est ce qui nous a peut-être sauvé finalement d'être une petite entreprise familiale qui c'est plus simple pour nous, par exemple, dans certains cas, je dis pas toujours parce que la trésorerie est nécessaire pour tout le monde, mais ça nous a permis peut-être de serrer quelques boulons plus rapidement que dans des sociétés qui seraient un peu plus complexes. Nous, voilà, tous les gens qui sont autour de nous, associés compris, sont tous des amis, donc c'est très facile pour nous de resserrer, ouais, les boulons pour que voilà, on puisse continuer à avancer, quoi, même dans des périodes difficiles comme celle-là. Maintenant, ce qui caractérise vraiment chez Paulette, je crois, c'est l'accueil, la grosse différence qui me vient à l'esprit comme ça, c'est vraiment l'accueil. Nous, en quelques secondes, on va dire que soit la personne on la connaît, ou soit on va s'adresser à elle comme si finalement on va la revoir et comme si on la connaissait déjà, quoi. Je veux dire, on fait pas de différence, c'est vraiment l'esprit de famille, le principal atout, je dirais, et puis la proximité, voilà. Mm-hmm. Ce qui pourrait être mis en avant. Le côté très convivial, du coup. Oui, ça. Dans ce sens-là, la convivialité, du moins le fait de rencontrer, en tout cas, pour nous, la plupart du temps, on essaie de le faire, et avec l'accord de l'artiste, d'ailleurs, s'ils viennent là, c'est souvent aussi pour ça, c'est qu'ils peuvent rencontrer le public, et les barrières tombent, en fait, ils sont sur scène, ils sont pas comme des stars, après, ils sont, dans la plupart du temps, ils se retrouvent au bar avec les clients, pour ceux qui sont des gros fans et qui les attendent, ils ont toujours le choix de les rencontrer, et c'est toujours à chaque fois avec beau bonheur, et moi y compris d'ailleurs, parce que c'est pareil, c'est à l'image de notre petite entreprise familiale, quoi, c'est tout. Et ça, on apprécie, parce qu'on sait que ce sont des petites choses qui font la différence, quoi. Bien sûr. Donc, cette émission va se dérouler en deux grandes parties. Donc, dans la première partie, nous allons parler de chez Paulette en général, une présentation générale. Puis, dans la seconde partie, nous allons parler du coup de gros événements, on va dire, qui approchent très très prochainement, donc la réouverture de chez Paulette. Voilà. Et donc, du coup, chez Paulette, c'est un pub rock. Oui, c'est un pub rock. C'est mon père, Yves, qui a trouvé cette comment dirait, presque acronyme, quoi, avec le PPR, c'est Paulette Pubrock, quoi. Mm-hmm. Et donc, c'est un truc, si tu veux, on a été sensible, et surtout lui, à la musique qui est arrivée par les Américains, les bases américaines, dans les années 60. Lui a commencé à croiser les Américains qui étaient sur les bases. Il a travaillé, son papa, lui, travaillait sur certaines bases, son frère aussi, si tu veux, et récupérait de temps en temps... soit des vinyles de l'époque de rock, soit certains de ces Américains logeaient aussi à panier chez des familles, et cette mixité, on va dire, et c'est que cette proximité aussi avec eux a fait que en l'occurrence mon père a été sous l'influence de cette musique américaine tout d'abord, et puis après quand il a cherché un nom, il a cherché un petit peu chez les anglo-saxons, et comme on avait pas mal de groupes anglais à l'époque, et les gars qui s'exprimaient là à ce moment-là disaient ouais, ça ressemble à nos pubs à nous, et donc Yves a eu cette idée de dire tiens, ce sera un pub rock, voilà. D'accord. Et donc, du coup, depuis combien de temps existe chez Paulette ? Alors, chez Paulette, en tant que bistrot, il faut remonter à 1923. D'accord. Ce sera bientôt au centenaire. 23, en fait, c'est la grand-mère, la maman de Paulette, qui est serveuse dans un bistrot qui s'appelle au Café du Commerce. Et elle est là, serveuse, donc, et le patron de l'époque lui dit si je dois vendre à quelqu'un, c'est à toi, Marie. La grand-mère s'appelait Marie, et donc c'est juste, tu es quelqu'un de confiance et tout. Et donc la grand-mère rachète en 1923 à la naissance de Paulette, quoi. Ma maman a 99 bientôt. Donc elle est née en 1923 et ils ont racheté donc le café du commerce en 1923. Voilà, ça démarre comme ça. Et par la suite, en fait, c'est un tout petit bar de campagne au départ. Il y a toujours eu de la musique malgré tout. Il y avait une salle attenante, une petite salle. Ça a toujours été un lieu où on a écouté de la musique. On en a fait avant qu'on l'appelle actuel. La musique était vivante. Tu vois, c'est des fois trois musiciens, un violoniste, un percussionniste, un chanteur. Et voilà, ça a toujours été un peu l'esprit piano mécanique et bastringue, voilà, en gros, pour faire donner l'état d'esprit d'une époque, quoi. Mmh. Et aussi, j'ai vu une autre année, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, l'année 1969. Alors, oui, 69, là, c'est un peu, je dirais, le jalon qui marque un peu le tournant, en fait, des concerts avec des groupes internationaux, anglais, hollandais, belges, qui arrivent à l'époque. C'est Yves, pareil, toujours pareil, sous l'effet un peu de l'affluence de la musique, du rock à l'époque, qui commence à immerger. Et donc, lui, avec des copains, il commence à amener une sono un peu plus puissante. Les copains passent des vinyles et on commence à écouter un peu de la musique qu'on entend nulle part ailleurs. Et puis les premiers groupes s'installent, il y a des formations locales aussi. Et puis en 69, parce que ça, les tout premiers concerts ont lieu, je crois, en 67. Mais si tu veux, la forme réellement pas définitive, mais en fait la première forme incarnée avec de la production, de la vente de billets, du public, on va dire comme un concert actuel, quoi, et c'est en 69. Et donc 69, c'est vrai, ça nous sert un peu de date de référence par rapport à la petite entreprise familiale telle qu'elle est maintenant, avec toujours un peu de discothèque, un peu de bal, ce qu'ils appelaient du bal à l'époque, et puis aussi des concerts rock avec des vedettes internationales qui commencent à arriver chez Paulette, quoi, tu vois. C'est vraiment le point de démarrage, en fait. Mmh, donc 1969, donc ça fera 53 ans cette année. Ouais. Et donc depuis 1969, j'ai vu ça sur la page Facebook de chez Paulette. Vous dites donc à chez Paulette en général que plusieurs générations de publics se sont succédées. Ouais, c'est vrai, on peut le dire. Il y a eu Parce que, enfin, il faut le dire aussi qu'il n'y avait pas des centaines d'endroits comme celui-là. D'ailleurs, il y en a peut-être encore moins maintenant. C'est lié à pas mal de choses, à des contextes, à la pandémie, à tout. Mais il faut le dire, c'est, à l'époque, il y avait peu d'endroits comme celui-là. Donc, automatiquement, les gens qui étaient un petit peu fans, on va dire, de musique anglo-saxonne, de rock, de musique différente, on va dire, tout simplement, un peu qui sortait de l'ordinaire, eh ben, sont venus et sont restés fidèles au lieu. Et souvent, il y avait une sorte de passation qui se faisait entre les couples qui se formaient une époque par le biais des rencontres, soit en concert ou en discothèque de l'époque, et les enfants qui parlaient du lieu en disant « Ouais, mes parents sont venus là, ils se sont rencontrés là. » Donc, tu vois, c'est plusieurs générations, c'est vrai, on peut le dire, souvent avec un passage de relais entre les parents et les enfants. Ouais, c'est assez fréquent, ouais. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que sur la page Facebook de chez Paulette, il y est écrit que ce lieu, du coup, chez Paulette, c'est un lieu plein d'histoires. Oui, alors c'est vrai, ça s'est un petit peu déposé comme des couches de poussière, tu vois, on a la chance d'être là, ça s'est produit, c'est pas un calcul savant de quelque chose, de dire « Oh, voilà, on a une projection », non, c'était un peu, c'était fait avec envie, avec conviction, c'est sûr, mais souvent avec de tout petits moyens, quoi. On s'est structuré au fur et à mesure du temps. Ça a pris du temps parce que, voilà, nous, on touche aucun subside, pas de subvention de qui que ce soit, de quoi que ce soit. On fait tout en indépendant. Donc, quand on change une sono, c'est toujours un gros coup pour nous. Donc, il faut remonter un petit emprunt, tout ça. Si tu veux, ça s'est professionnalisé avec le temps. Ça s'est pas fait en une fois et c'était pas une vision, comme on peut des fois en avoir en disant « Tiens, c'est ça qu'il faut faire ». Non, ça s'est installé un petit peu comme ça en se disant « Tiens, ben finalement, ça plaît, quoi, ça plaît. Il y a des jeunes à qui ça plaît énormément. Il y a peut-être un intérêt à chercher, à creuser, à trouver des groupes, à trouver des assos qui pourront nous accompagner, parce que le caractère associatif, c'est extrêmement important à notre niveau. Je veux dire, notre structure, voilà, c'est familial, on fait tout. Moi, j'ai ma fille, il y avait Julien avant moi, avec donc mon fils, ma fille, qui viennent en renfort, qui sont là, qui sont pareil en périphérie autour de nous. Mon père, qui est toujours là avec ses 80 balais, mais il est toujours là, toujours me donner des coups de main au niveau technique et tout. Donc ça s'est installé au fur et à mesure du temps. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, un petit peu. C'est pour ça qu'on aussi on essaie de le préserver. C'est sentimental aussi pour nous, je te l'avoue. Bien sûr. Donc il est 14h, presque 14, donc avant de parler encore plus de tout ça, je te propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que tu as choisie, Luc, et que nous écoutions pour commencer Frank Zappa, dont on salue la mémoire, avec son morceau intitulé Uncle Remus. Pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, c'est de la musique folk, rock, blues. C'est un morceau sorti en 1974. C'est un titre issu de l'album Apostrophe de Frank Zappa, album sorti le 22 mars 1974, c'était un vendredi. Voilà. Et pour la petite info complémentaire, cet album est celui qui a eu le plus de succès pour Frank Zappa aux États-Unis, avec une 10e place au Billboard 200. C'est un classement hebdomadaire, je crois, des meilleurs sons vendus à l'époque. On trouve George Duke, pour compléter ta petite info, George Duke qui était au clavier à l'époque avec lui. Ah, voilà. C'est une référence à Yves, par exemple, mon père, passait ce genre de morceau en discothèque, tu vois. Donc c'était improbable. Et pour ça, pour marquer un petit peu l'émission d'un jalon musical, c'est de se dire que voilà, c'était déjà un petit peu différent. Mais je te laisse enchaîner. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, on écoute Frank Zappa, on s'en retrouve juste après. Et du coup, voilà, Frank Zappa et son titre Uncle Remus. Et du coup, comme je le dis, on s'en retrouve juste après, d'ici moins de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Moving too slow. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours en direct. Il est 14h18 et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Franck Zappa avec le morceau intitulé Uncle Remus et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Luc de chez Paulette à Panier derrière Barine en Meurthe-et-Moselle qui est là pour nous parler de chez Paulette, de la réouverture de chez Paulette et de tout ce qui entoure chez Paulette. Ça va toujours? Oui, impec, super. Super. Donc, bien qu'il ait répondu un petit peu avant cette pause musicale, j'aime beaucoup poser cette question, justement, après une pause musicale, et nos auditrices et auditeurs le savent. Pourquoi avoir eu envie d'écouter ce titre? Oui, alors, c'est vrai, j'étais un peu, comment on dit, couper l'herbe sous le pied. Oui, parce qu'en fait, c'était... quand tu m'as posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je peux... Il faut que je cherche des morceaux qui sont à l'image, finalement, du lieu, quoi. Donc, j'ai réfléchi, et je me suis dit, bon, moi j'ai 60 ans... cette année, donc je me suis dit, il faut que je cherche ce qui m'a peut-être inspiré, ce qui m'a à l'époque en plu, en tout cas, et donc en fouillant, Yves passait ce morceau dans les années fin 70, moi quand j'ai commencé un peu à faire le DJ avec lui, en 78, vers là, j'ai commencé à faire un peu le DJ avec lui, et donc voilà, je me suis dit, voilà, c'est un morceau incontournable. Franck Zappa était un artiste exceptionnel. J'ai eu la chance de le voir à Strasbourg. J'ai eu cette chance. C'est une référence. C'est une référence, un musicien hors pair et complètement anachronique. Il a rencontré plein de gens. Il était en avance sur son temps. Et voilà, pour moi, c'est, à titre personnel, c'est beaucoup. Et c'est un artiste incontournable qu'il faut peut-être aller redécouvrir encore. Voilà. Mmh. Oui, parce qu'il est malheureusement décédé dans les années 90, me semble-t-il, d'un cancer de la prostate. Ouais, je crois. Voilà. Donc nous allons reprendre du coup le cours de cette émission. Donc le lieu chez Paulette a connu plusieurs facettes, si on peut dire. D'abord, il y avait une formule très dancing, puis il y a eu des concerts tous les week-ends dans cette ambiance si particulière. Donc comment est-ce que tu expliques cette ambiance si particulière? Est-ce que, d'après toi, c'est ce côté convivial qui crée cette ambiance? Je crois qu'en partie, il me semble que la principale qualité, c'est-à-dire que voilà, ma mère imagine, c'est une toute petite bonne femme qui pète le feu, pleine d'énergie, et bon, elle est toujours là, elle est en forme, et c'est une grand-mère de 99 ans, quoi. Mais imagine à l'époque, c'était presque anachronique, quoi. Elle était en capacité a toujours été assez bienveillante, à ranger les choses comme il fallait, mais elle savait être énergique quand il y avait des problèmes, tu vois, de l'ordre de chamaillerie ou de bagarre, quoi. Tu vois, elle savait prendre les décisions qu'il fallait, quoi. Et donc, je pense que cette personne, étant un petit peu atypique, en quelque sorte, était respectée, en fait. Elle était respectée, donc ça a permis, je crois, de déclencher en plus de cette convivialité naturelle qu'elle possède. C'est, si tu veux, c'est une commerçante dans l'âme, quoi. C'est quelqu'un, voilà, qui fait du business, mais avec le talent, quoi. Et donc, j'en parle bien, c'est normal, c'est ma mère, mais bon, en même temps, je me dis que ça a dû être énorme à une époque pour, quand des fois je m'adresse à des potes qui l'ont connu derrière le bar et qui me disaient, mais attends, c'était complètement exceptionnel, quoi. La façon dont elle travaillait, elle te parlait, et maintenant, je pense que ça a été un peu la pierre angulaire du truc. Et puis, il y a aussi le phénomène aussi, je pense, un peu aussi atypique du lieu. Le lieu, un tout petit village, à l'époque, il y avait moins de 500 habitants. Et imagine un peu quand y arrivaient les grosses soirées, que ce soit sur des concerts ou que ce soit en discothèque, en dancing. La population doublait en une soirée, tu vois. Il y avait 500 personnes dans la salle et il y avait 500 âmes dans le village, tu vois. Donc ça, au début, il faut l'avouer, un peu perturbé tout le monde, et la mairie y compris, quoi. Il faut s'imaginer l'époque, quoi. Bien sûr. Enfin, j'avoue, j'étais pas né à l'époque, mais j'imagine bien. Ouais, non, mais voilà, c'est pour te mettre un peu, et ceux qui nous écoutent aussi. Bien sûr. la chance de nous connaître, je dis ça exprès, c'est de l'humour, hein. Oui. Je dirais, ceux qui nous connaissent et ceux qui un jour viendront par là comprendront peut-être mieux ce que je dis à cette heure-ci. Ouais. Bien sûr. Et donc du coup, avant la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous depuis un moment maintenant, est-ce qu'il y avait toujours et est-ce qu'il y aura d'ailleurs toujours cette habitude de faire des concerts tous les week-ends comme à l'époque ? Bah on va s'y attacher. Je t'avoue que ça a été très compliqué. On a reporté, il y a des concerts qu'on a reportés 4 à 5 fois, mmh. avec de la billetterie qu'on annulait, qu'on recommençait. Et là-dessus, je vais en profiter parce que c'est aussi, ça sert à ça, la communiquer, c'est savoir dire aussi que la plupart du temps, tous ceux qui nous accompagnent, par effet de levier avec cette solidarité des fois qui s'exerce sur la billetterie, en ne demandant pas le remboursement systématique, tu vois, en attendant, en nous faisant confiance de pouvoir reprogrammer ce qu'on est en train de faire là avec notre équipe. Et donc ça c'est hyper important parce que tu vois, cette solidarité qui s'exerce sur pour nous, par exemple, à toute petite échelle, mais ça a été hyper important de pouvoir préserver un petit peu de trésorerie pour continuer à payer nos charges, par exemple, continuer à payer ce qu'on devait payer, tout ce qui y est inhérent à une SARL, tu vois. Donc tout ça, ça a fait que si il y a eu un effet de solidarité, en tout cas chez nous, ça a fonctionné et je t'avoue que c'était hyper important et voire même salutaire à certains moments qu'on ait un petit peu voilà cette bouffée d'oxygène quoi. Moi je sais que je tiens à remercier à ceux qui ont conservé leur billetterie parce que c'était des périodes on espère qu'on va tirer un trait hein, quand j'aimerais bien la mettre à l'imparfait cette période comme ça au moins on n'en parlerait plus ou seulement à l'imparfait, mais je me dis, grâce à eux, on a réussi à tenir le coup, en quelque sorte. Voilà. Donc, il faut les remercier. Bien sûr. Donc et d'ailleurs, si cette émission peut attirer, pourquoi pas, de nouvelles personnes à venir vous rendre visite ou à assister aux futurs concerts, et ça sera tout gagnant oui, pour nous ça. Également. C'est ça. Il faut... moi, je sais qu'on est partenaire de quelques radios autour de nous. Bon, on se connaissait pas, Chris, mais... c'est toujours avec, je dirais, bienveillance que j'accueille des requêtes comme les vôtres, parce que je sais que, voilà, nous, on fera avec nos moyens, mais on essaye toujours, voilà, de répondre présent quand on nous sollicite pour telle ou telle démarche, quoi, on essaie, en tout cas. Bien sûr, et puis je te remercie pour ça, pour avoir accepté, du coup, cette invitation, d'ailleurs. C'est moi. Et donc, j'ai appris en préparant cette émission que chez Paulette a accueilli certains grands noms de la musique français ou étranger d'ailleurs. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous citer quelques noms qui ont déjà foulé la scène de chez Paulette ? Oui, je pourrais te parler, je dirais, tiens, on prend Vince Taylor. Alors, Vince Taylor, c'est les années 60, c'est un gars qui rencontre David Bowie, alors tu vois... C'est des gens qui ont une carrière pareille, un peu morcelée, un peu tout feu, tout flamme. C'est-à-dire, il est à l'image du rock d'une époque des années 60 où on se brûle un peu les ailes, tu vois, à Lady Cochrane, un truc comme ça. C'est des gens qui sont qui ont été hyper connus, mais qui sont assez après passés rapidement du soleil à l'ombre, en quelque sorte, pour faire simple, quoi. Mais il y a des gens dont la carrière comme des groupes américains comme Canet Heat ou Calvin Russell, on a des gens comme Dr. Feelgood, les Anglais, on a Ange, pour les citer aussi, qui ont été, c'est des pierres angulaires aussi, ils sont venus, revenus, et ce sont des incontournables de chez Paulette, quoi, voilà exactement le terme. Voilà, pour en prendre quelques-uns de tête, hein. Mais bien on peut citer, il y a Louis Bertignac, dans des gens où on connaît plus la célébrité en France, mais on peut parler aussi de, je sais pas, de No One Is Innocent, si on est un peu fusion métal. Voilà, pendant une période, on passait plus de 120 groupes par an. Alors, tu vois, c'est quand même assez important, quoi. bien sûr, ou encore Dick Rivers, dont on salue la mémoire, par exemple. Oui, absolument, Dick Rivers, avec cette belle anecdote, quand il demande à ma mère si elle va encore rester longtemps sur scène, parce qu'il faudrait quand même qu'il apparaisse au moins un peu face au public comme une vedette, et pas seulement la Paulette, comme il le dit à mon père, il dit « bon, elle s'en va quand, là, que je profite de mon show ?» Et oui, c'est t'as plein d'autres noms là, j'ai sous les yeux. Du coup, donc Jean-Louis Aubert, Sinclair. Par oui, exemple. Bien sûr, Sinclair à l'époque, ouais, qui a super bien fonctionné. C'était funk, bien rentre dedans, c'était un peu fusion, c'était vraiment très bien. Mmh. Et du coup, Jean-Louis Aubert et comme tu l'as dit, Louis Bertignac du groupe, du célèbre groupe Téléphone. Ouais, une belle performance aussi à l'époque, ouais. C'était étonnant parce qu'en plus ils sont. Alors je sais pas si c'est comparable à si on peut l'analyser comme ça, leur talent, si ils sont aussi gentils qu'ils sont talentueux, quoi. Je t'avoue que c'était vraiment très cool parce que nous, les conditions, on les améliore sans cesse, on se remet en question, on aménage, on fait ce qu'il faut, mais à une époque, c'était vraiment rustique, quoi, il faut le dire. Hein. C'était voilà, il n'y avait pas de loge spécifique dédiée aux artistes. Finissait dans la cuisine avec ma mère en train de préparer les plats, quoi. Je sais pas si tu vois un petit peu l'ambiance, mais ça leur plaisait, quoi. C'était à la bonne franquette, mais c'était vrai, quoi. Tout simplement, c'était vrai. Et donc justement, tu as parlé de Dr. Feelgood, donc ça fait la petite transition avec la prochaine pause musicale, la prochaine fréquence musicale, comme j'aime à les appeler, que tu as choisi du coup. Le groupe anglais, donc le groupe de rock anglais Dr. Feelgood, et leur titre All Through the City, que l'on pourrait traduire en français par Tout au long de la ville. On va écouter la version remaster de 2006. Au niveau des références à nouveau, c'est un morceau sorti à l'origine en 1975 et issu de l'album Down by the Jetty, album sorti en janvier 1975. Il s'agit du premier album studio du groupe. Et pour la petite info complémentaire, car j'aime les infos complémentaires, il y a même un film documentaire qui est sorti intitulé Oil City Confidential concernant du coup ce groupe et même cette chanson. Voilà. Oui, donc, c'est ville, ouais, absolument. C'est vraiment super cher à voir. C'est vrai, et puis je pense qu'on peut le trouver. Je sais pas si on peut encore le trouver dans les médiathèques ou les choses comme ça, mais je pense qu'en cherchant bien. Télécharger, je sais pas. Je sais qu'il y avait eu un propos il y a peut-être au moins 3 ou 4 ans déjà, ouais, sur ce film. Ouais. Voilà. Donc, du coup, on écoute All Through the City de Dr. Feelgood et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc, à tout de suite sur Radio Gémozo d'ici un peu plus de 3 minutes. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo, sur cette FM. Vous êtes toujours en direct, il est 14h33. Vous venez d'écouter Dr. Feelgood avec le morceau intitulé All Through the City. Et nous sommes toujours du coup en compagnie au téléphone de Luc de chez Paulette à Panier derrière Barine en Meurthe-et-Moselle, qui est là pour nous parler de chez Paulette, de la réouverture de chez Paulette et de tout ce qui entoure chez Paulette du coup. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie? Ben oui, c'est bien, c'est super, je suis content, je t'avoue. Super. Donc, même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau? Oui, ben, t'en as un petit peu parlé, parce que, si tu veux, c'est des gens qui sont originaires de Canvey Island, et c'est vraiment l'esprit du pub rock, j'en ai un peu parlé. Et donc, l'esprit, c'est ça, c'est des musiciens un peu à l'énergie rock, et on s'installe, les conditions sont précaires, mais c'est pas grave, on y va. On a Librio au chant, là, on a Wilco Johnson à la guitare, tu sais, ces effets syncopés, là, comme hachés, un peu comme s'il tenait une mitrailleuse et qui était en train de flinguer tout le monde, tu vois, il est étonnant, hein, il est toujours en vie, hein, ce gars, Wilco, il est revenu d'outre-tombe, mais c'est fantastique, c'est un musicien à voir aussi, si vous avez l'occasion. Et puis, aussi, ce que je veux avouer, c'est que le choc, il y a des moments, c'est un choc, c'est parce que tu mets, moi j'ai eu l'occasion de faire le DJ, comme je le disais, et quand tu passes ton vinyle, à l'époque c'était des vinyles, on n'avait pas trop le choix, il n'y avait que ça, ou des cassettes, mais surtout des vinyles, et tu passes un artiste que tu aimes, avec ton vinyle, tu le mets, les gens dansent, les gens bougent, ça pogote un peu, et puis quand la première fois que tu les reçois, donc ça devait être en 88, je crois, eux, si je me trompe pas, ouais, chez Paulette, et là tu les vois en vrai. Tu les apprécies et tu les vois en vrai. Et je me suis dit, ça c'est un de mes souvenirs assez forts aussi de me dire, je mettais les vinyles et je vois, les mecs en vrai, ils sont chez nous. Quelle chance, on a du bol, quoi. Moi, je me mettais dans la position du gars qui était chanceux. C'est-à-dire, ils sont là, la salle est comble, les gens sont heureux, ça danse, ça bouge, il y a de la sueur et de la bière, enfin, tout ce qu'on aime, quoi. Voilà pourquoi j'ai choisi Dr. Feelgood. Voilà. D'accord. Et la bière, bien sûr, toujours avec modération, évidemment. Ouais. Et donc, du coup, juste avant cette pause musicale, on parlait des grands noms qui sont passés sur la scène de chez Paulette. Et je crois également savoir qu'au fil des années, justement, chez Paulette s'est ouvert sur d'autres genres musicaux pour devenir un petit peu plus éclectique. Oui, c'est arrivé. On a, si tu veux, nous, on s'est jamais vraiment fermé les portes en disant, voilà, on n'est que rock, on n'est que, genre, je sais pas, en imaginant une époque progressive ou, tu sais, genre façon Genesis ou... Non, moi j'ai une culture musicale qui est assez ouverte, en tout cas, et le fait d'avoir fait le DJ aussi, je crois que ça m'a ouvert l'esprit, parce que il y a plein de genres musicaux, ce qu'on allait chercher à une époque, en tout cas, c'était, à travers la découverte, souvent, il y avait aussi la créativité, l'énergie, il y avait, parce que finalement, le rock, c'est toujours pareil, en quelque sorte, c'est toujours trois ou quatre notes qui sont assemblées différemment, mais à chaque fois, il me semble, moi, que ça peut être un renouveau. Imagine, dans les années 90, quand Nirvana est arrivé, et que nous, on a eu la chance, moi, d'avoir des tests pressing à l'époque de la maison de disques, on mettait Nirvana, c'était le Teen Spirit, je crois, le premier, ou Like, je sais plus, enfin, de tête, hein, je t'en donne ça, mais en imaginant, d'un seul coup, c'était comme un truc, un coup, une bombe, quoi, les gens venaient demander ce que c'était, donc on a toujours su se remettre en question avec, souvent aussi, en étant à l'écoute des autres, en nous disant, tiens, quelqu'un m'a parlé de ça, faut que j'aille voir, quoi, soyons curieux, restons curieux, voilà. Bien sûr, donc maintenant, je te propose de passer à la deuxième partie de cette émission, donc parler de la réouverture du coup qui aura lieu très prochainement, comme je l'ai dit en début d'émission. Quand est-ce que la réouverture aura lieu du coup? Alors, là, si tu veux, nous, on est sur un propos, on est sur une soirée qu'on a appelée Retrouvailles, on serait sur le samedi 19, donc février, donc celui qui arrive, là, notre samedi. On est, comme je le disais un petit peu en ouverture, on est en attente du protocole d'accord, il devrait apparaître cet après-midi dans nos mails, et donc normalement, tout est bon, on va dire, les voyants sont au vert, Mais par contre, on ne connaît pas réellement encore, du moins à cette heure-ci, là, le protocole d'accueil que nous allons mettre en place pour la soirée de réouverture qu'on a appelée, nous, retrouvailles, parce que on veut faire les choses simplement, on a envie que de dire, voilà, on a réussi à passer à travers, toutes les embrouilles et les emmerdes, pour faire simple, que la pandémie a amené, on est toujours là, on vous attend, quoi. En quelque sorte, vous retrouverez les gens que vous avez appréciés si vous êtes venus. Venez découvrir l'endroit si vous n'êtes jamais venu. Mais vous verrez, quoi, tout d'abord l'état d'esprit chez Paulette, cette convivialité, cet accueil. Et puis voilà, on essaye de faire la différence avec aussi une programmation, même en discothèque, assez de qualité, quoi. Tout genre mélangé, mais qu'on sélectionne avec attention. Voilà. Donc le 19 février, on va dire soirée retrouvailles, voilà. Voilà, donc ce samedi, donc du coup, ce qui est prévu pour fêter la réouverture, c'est une soirée discothèque. Ouais, c'est ça, absolument. Avec entrée gratuite. Ouais, entrée gratuite, parce que je vous avoue qu'on ne savait pas comment ça allait réellement se passer. On voulait, je t'avoue pas, de nouveau encore annuler une énième soirée avec... que ce soit une soirée thème ou une soirée thématique, je veux dire, ou une soirée avec un concert, on voulait pas. Alors on s'est dit, on prend pas de risque, on fait une ouverture, on tente le coup, on voit ce que ça donne, parce que les nouvelles jusqu'à... il y a encore peu, quoi. On s'était projeté, hein, au mois de septembre, avec une projection, on va dire, de réouverture, et puis à peine un mois et demi après, tout de nouveau était fermé. Donc là, pour faire simple, on s'est dit, il faut pas qu'on annule encore une énième soirée. Donc voilà, faisons déjà des retrouvailles. Retrouvons-nous donc et passons une bonne soirée. Et puis les projections pour les concerts, entre autres, ce sera pour le 5 mars. Voilà. Voilà. Et donc justement, tu parles des nouveaux concerts. Donc pour donner un petit peu l'eau à la bouche à nos auditrices et auditeurs, quels seront les artistes que vous recevrez chez Paulette, du coup, dans les semaines ou les mois à venir? Oui, alors donc notre agenda cette fois est calé pour les concerts. Là, la programmation redémarre le 5 mars avec ce qu'on appelle les release parties. C'est des soirées, disons, avec souvent des groupes locaux. Entre autres, là, il s'agit d'Oblique. C'est un petit groupe qui s'est rencontré à la MAI de Nancy et qui a vraiment, ça a matché entre eux. Et nous, on les a accompagnés parce que leur projet nous plaisait aussi. Ils scénarisent beaucoup. Ils ont une ambiance particulière. Ils viennent d'horizons différents, mais ça amène quelque chose de vraiment bien, je trouve, de très bonne qualité. Au chant, elle est extrêmement douée, musicalement ça tient la route, vraiment c'est hyper intéressant, c'est une vraie belle découverte qu'on a accompagnée avec des résidences. Et donc là c'est un peu notre petit, un peu comme nos poulains en quelque sorte, et on est content de les faire découvrir au public. Donc il s'appelle Oblique avec un Q à la fin. Voilà, c'est du rock, c'est marqué rock cinématique. C'est ça, cinématique, c'est eux qu'on trouvait. Et c'est vrai que cette scénarisation du plateau, du jeu, moi ça m'a un peu bluffé, parce que on a l'habitude de, je connais ma salle, c'est évident, mais des fois de l'avoir retravaillé avec des lights différentes, des pendrillons coupés d'effets de bandeaux, de tissus, franchement, la salle avait un super look, et moi j'ai hâte qu'on reprenne, parce que tout ça, bien sûr, s'est arrêté. Ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus, bien sûr, ça a été arrêté par le Covid, mais ça y est, allez, on croise les doigts ensemble, et puis on y croit, et puis on y va, et on reçoit Oblique sous sa forme la plus oblique possible. Voilà. Ensuite, le dimanche 13 mars, c'est du heavy metal avec Sortilège. Ouais, Sortilège, pareil. Alors, voilà, ça s'adresse à un public de métalleux. Les anciens métalleux savent de quoi ils retournent. Et donc, Sortilège, là, pareil, on les a décalés 4 fois. Voilà, on en est à la 5e. On y croit, dur comme fer. Et là, on a un groupe qui est une référence pour les hardos français, quoi. Ils ont belges en l'occurrence, mais je veux dire, ils ont eu une belle carrière. Et, bon, ils ont un peu disparu comme une comète après, mais on a la chance qu'ils se reforment avec une partie des membres d'origine. Voilà, c'est une belle soirée, une belle journée qui nous attend un dimanche 13, donc là. Mmh. Ensuite, le samedi 26 mars, un autre groupe, ma foi, plutôt connu en France, c'est les Fatal Picard. Ah oui, bah oui, les Fatal, c'était Fatal, je crois. Hein. Écoute, pour l'anecdote, on les fait la dernière, c'est mi-mars 2020. Mmh. Là où tout s'arrête. Oui. Genre, c'est notre dernier week-end et on apprend que toutes les discothèques et salles de concert vont être fermées, dont nous. Et si tu veux, c'était, il y avait une ambiance. L'année démarrait vraiment sur des chapeaux de roue. L'année 2020 était, il y avait une belle inertie, tout se passait bien. C'est quand les planètes s'alignent, tout fonctionne. Et donc les Fatales, on s'est dit c'est pas possible, quoi. Faut qu'on les remette à l'agenda parce que on veut effacer cette période grisâtre là. Et on s'est dit, comme on s'est quitté en très bons termes, il faut qu'ils reviennent. Voilà. Donc avec Nordine en l'occurrence, qui produit la date pour chez nous, là, on s'est remis ensemble et on a dit allez c'est parti, on refait les Fatales. Et donc on attend un super retour avec eux pour le samedi 26 mars, quoi. Mais je leur fais confiance parce qu'il y a un vrai public de fans qui les suit, et eux souvent ils ont une patate, ils ont une banane sur scène, c'est qu'ils partagent vraiment, et c'est aussi enthousiasmant, quoi, d'avoir des gens comme ça. Mmh. Et du coup, après, pour la fin mars, le dimanche 27 mars, donc le lendemain des Fatal Picard, il y aura Fred Chapelier. Ouais, il y a Fred Chapelier, là on est sur quelque chose de plus. Comment on dirait, il y a de l'énergie aussi, mais c'est l'esprit du blues, quoi. Et Fred, c'est peut-être un des bluesmen français qui est peut-être, après Bill Durham, je dirais, le meilleur représentant. Bon, il y en a d'autres, hein, je sais, des beaucoup plus connus, je sais ce qu'on peut me dire, mais pour moi, qui est un vrai représentant du blues à l'américaine, avec le côté racine et puis un excellent jeu de guitare, quoi. Fred, il a accompagné d'immenses musiciens aussi, il a accompagné de plein de gens, il a entre autres aussi Dutronc, il a fait une tournée avec Dutronc, Fred. Donc voilà, ce sont des références de musiciens, et on sent que le gars, on l'a déjà fait plusieurs fois, moi je sais que je l'apprécie beaucoup, pareil, c'est des gens humbles, et ils sont doués dans ce qu'ils font, quoi, tout simplement. Hein. Bien sûr. Et il est important également de préciser que les places qui avaient été achetées auparavant seront toujours valables. Oui, absolument, absolument, ouais, absolument. Donc nous, il y a beaucoup de comment ça, par exemple, pour Sortilège, pour reprendre ça, parce que tu as raison, il faut en parler. Toutes les places sont valables, tous ceux qui les ont gardées, bien sûr. Il y a tous les liens, infos et RSA qui sont en lien sur le site de chez Paulette. Il y a là-dessus, vous aurez toutes les infos nécessaires, quoi. Bien sûr. Et donc, du coup, pour nous rapprocher, on va dire, de un peu plus de la date la plus proche, justement, la soirée de réouverture, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est toute la nuit? Alors, la soirée de réouverture en discothèque, elle démarre à 22h. 22h jusqu'à pas d'heure. Je sais pas, on va 3, 4, 5, c'est... Voilà, c'est... À vrai dire, ça dépend. Nous, on a la possibilité d'ouvrir jusque 5h du mat. On a des ouvertures, des autorisations d'ouverture tardive, donc on peut. Mais ça tient vraiment au feeling. Nous, comme je te l'ai dit un peu tout à l'heure, voilà, c'est l'esprit un peu retrouvaille. On se dit, voilà, on va. J'espère, en tout cas, que les gens vont être là, qu'on va pouvoir discuter un peu et boire une bonne bip bière. Ouais, non, mais c'est surtout l'esprit, là. On veut redémarrer, mais on voulait pas que ce soit quelque chose de figé dans une structure, un truc. On a envie que ceux qui ont envie de passer ne serait-ce qu'une heure là, tu viens, on discute un peu, on parle du bon vieux temps, de ce qui nous attend, c'est-à-dire du futur, et puis on passera un bon moment au présent, quoi. Mmh. Et maintenant, du coup, les questions qui fâchent, du coup, pour entrer, pour assister à ça, j'imagine, passe vaccinale et port du masque? Ouais, alors c'est ça pour l'instant. Alors comme je te disais un petit peu, on connaît pas réellement le protocole d'accueil. On suppose que le masque est conseillé, mais pas obligatoire. Mais ça, j'attends, je ne veux pas me mouiller, mais c'est vrai que le pass vaccinal, lui, est obligatoire. Bien sûr. Ça, c'est, voilà, il faut respecter les règles, même si on commence à sortir un petit peu du tunnel. Et comme on dit, quand on voit la lumière dans un tunnel, c'est pas forcément la sortie, ça peut être le train. Aussi. Et donc, justement, parce qu'il y a bien sûr, pour accompagner ces spectacles, il y aura bien sûr des boissons proposées. Boissons, j'imagine, alcoolisées et non alcoolisées. Oui, bien sûr, oui. Voilà, bien sûr. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Absolument. Donc, du coup, il est 14h48, donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de conclure, je te propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale que tu as choisie une nouvelle fois, Luc, et que nous écoutions cette fois-ci le groupe Slow Moza avec leur titre « There is nothing new under the sun » que l'on pourrait traduire en français par « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Toujours au niveau des quelques références, ce morceau est plutôt typé rock à nouveau. Il est sorti assez récemment, en 2020, donc il y a 2 ans. Donc du coup, voilà, je te propose d'écouter ce titre et qu'on se retrouve juste après. Ok. Voilà, donc on se retrouve juste après d'ici à peu près 4 minutes. We'll be right back. There is Nothing New Under the Sun de Slomoza sur Radio Guimauzo. Voilà, de la musique qui bouge bien pour vous accompagner en cet après-midi, en ce mardi après-midi. Voilà, vous êtes donc de retour, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement en direct ou sur notre site internet https://radioguimauzo.radio-website.com/ et sur notre application Orange Radio partout en France et même dans certains pays frontaliers, entre autres. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Luc de chez Paulette à Panier derrière Barine en Meurthe-et-Moselle, qui est là pour nous parler de chez Paulette, de la réouverture de chez Paulette et de tout ce qui entoure chez Paulette du coup. Ça va toujours ? Ouais, bien sûr, ça va. Parfait. Donc même question que pour les deux précédentes fréquences musicales, tu es habitué désormais. Pourquoi ce morceau ? Alors Slomoza, c'est une découverte du confinement, comme quoi finalement il y aura quand même du bon. Non, donc c'est vrai que j'ai écouté pas mal de trucs, et puis les copains aussi, Hervé en l'occurrence, un copain à moi qui m'a ramené ça en me disant « Ah, oh, faut que t'écoutes, c'est vraiment très bon !» Et j'ai écouté, voilà, Slomoza, c'est un groupe norvégien qui vient de Bergen, c'est ce qu'on appelle, pour faire simple, on mettrait ça dans la vague stoner, et voilà, ça me fait penser un peu à du Caius, un peu, il y a le côté fuzz, bien sûr, qui est dedans. Moi, je suis complètement fan, et puis le morceau, à cette époque, rien de nouveau sous le soleil, quand on était confiné, c'était un peu ça, quoi, c'était un peu comme un gimmick, tu vois, et donc, mais j'ai hâte de les voir sur scène, parce que j'aime bien, c'est le côté desert rock, tu vois, c'est... J'aime bien, vraiment. Bon, faut aimer la pédale, ça, hein, y en a partout. Mais bon, c'est moi, voilà, c'est une belle découverte. Alors, je voulais vous la faire partager. Voilà. Et c'est vrai que ça bouge bien comme musique. Ouais. Du coup, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé selon toi, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour ? J'ai l'impression qu'on est pas mal. C'est sûr que. Il y a à dire sur Paulette, il y a à dire sur ces presque, comment on pourrait dire, 100 ans d'histoire avec 50 ans de rock'n'roll au compteur. Il y a beaucoup à dire, mais l'essentiel, je crois, tu vois, c'est ce qu'on a encore à vivre, notre présent et puis notre futur. Mais là, on a parlé de notre futur et ça, je vais te dire, ça vaut tout l'or du monde parce que c'est réellement salutaire qu'on rouvre, quoi, qu'on retrouve en quelque sorte une petite vie normale. On aspire à ça, c'est tout, quoi. C'est le bonheur, des fois, c'est pas grand-chose. C'est vrai. Et donc, du coup, si nous voulons suivre l'actualité de chez Paulette, comment est-ce qu'on peut faire ? Ah oui, bah, il faut aller tout simplement sur le site hein, de chez Paulette, le PPR, Paulette Pub Rock, voilà, c'est ça. Vous le trouvez en lien, il est en fouillant un petit peu, on trouve très facilement. Alors, on a eu... Bah, faut dire que bon, ces deux années en quelque sorte ont été vraiment délicates parce qu'on a eu hélas aussi un autre problème avec notre site. Il est en reconstruction pour partie, là il fonctionne, mais on était hébergé donc chez OVH à Strasbourg qui a brûlé donc au début de l'année 2021. Donc voilà, on a perdu beaucoup de données, on a perdu beaucoup d'historique, mais nous, voilà, on s'arrête pas à ça, il faut continuer à avancer. Tout le monde a sa charrette d'emmerde, on va dire. Donc, il faut qu'on s'accroche. Là, on fait en sorte qu'on reconstruit un site qui n'est pas encore complet, comme le site marchand n'est pas ouvert encore, mais ça va venir. On attend un petit peu que tout reprenne et qu'on puisse mettre aussi un petit peu du temps et aussi, bien sûr, de l'argent. Pour confectionner un site qui soit à la hauteur des attentes de notre public, en quelque sorte. Bien sûr, donc le site internet et également la page Facebook aussi. Bien sûr, la page Facebook qui est extrêmement active, ouais, tout ça grâce à ma fille Laetitia, il faut le dire, et il faut la remercier, je ne le fais pas assez souvent. Normalement, elle aurait dû être là avec moi aujourd'hui, mais hélas, bon, elle n'a pas pu être là, mais on l'embrasse. Et on va se retrouver le 19, voilà. Voilà, on lui passe le bonjour et du coup, okay. On peut peut-être donner l'adresse du coup de chez Paulette. Alors, l'adresse de chez Paulette, tu veux physique, donc, hein, cette fois. Oui, là, oui, l'adresse, oui, pour le lieu, en fait. Ok, c'est 343 rue Regina Creek, à Panier derrière Barine, voilà ça. Voilà, c'est dans 54 200, du coup, au Panier derrière Barine. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte ? Eh bien, moi, je voulais te remercier déjà, remercier nos auditeurs et auditrices, les saluer et leur dire que s'ils nous ont entendus, et s'ils viennent nous voir, qu'ils nous disent comme ça. On les remerciera à notre façon, on leur fera un petit cadeau, un petit truc, un petit sticker, un petit magnète, un truc comme ça. C'est toujours marrant, quoi, de se dire, derrière nos micros, derrière ces ondes, là, qui parcourent le globe, y a des gens qui nous écoutent. Et ça, c'est toujours agréable de se sentir un peu moins seul, hein. Bien sûr. Dans des périodes comme celle-là. Et la radio est un vecteur que j'adore, moi. Et voilà, c'est un média que j'adore, c'est... Bon, voilà, donc je comprends que tu fasses ce métier, c'est un très beau métier. Continue. je compte bien continuer. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Bon, je pense déjà connaître, mais... Écoute, que finalement, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, on mette ce virus à l'imparfait, on le conjugue à l'imparfait, et qu'on retrouve en quelque sorte une vie normale avec des événements, des concerts, qu'on se tape dans le dos, qu'on salue sans se craindre, qu'on profite d'une convivialité méritée, qu'on soit à nouveau entre potes, entre personnes qui se respectent et qui aiment peut-être simplement la bonne musique, quoi, tout simplement. C'est, voilà, moi je fais pas de vœux pieux, je souhaite pas un meilleur. La vie, elle est comme on l'a fait. Et souhaiter le meilleur, c'est souhaiter être là, vivant, déjà, c'est essentiel. À peu près en forme, tenir le coup, et puis continuer à avancer, quoi. Voilà. Bien sûr. Donc c'est ce que je souhaite à tout le monde. Puis je te remercie encore, toi et les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Avec plaisir. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de te remercier, Luc, d'avoir accepté mon invitation, d'ailleurs. D'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère juste après, hors antenne, au téléphone. Okay. Voilà, cette émission sera rediffusée demain mercredi à 18h avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Si tu veux, je pourrais même te l'envoyer par mail, si tu veux la récupérer, la partager, etc. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Tora et son titre Mother Forgot. Et voilà, avant la rediffusion de la rediffusion, ouais, c'est un peu compliqué, de l'édition de Fréquence Libre d'hier dans laquelle je recevais dans nos locaux Diana Kennedy, artiste auteur. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai par téléphone à nouveau Nicolas Chulet des Cafés Sati. Voilà. Merci de votre fidélité à Radio Guémozo. Et donc, du coup, je vous dis à demain. Donc, salut et à demain.